Des études, dont certaines en simulateur de conduite, ont montré qu'en situation d'urgence, le conducteur n'appuyait que très rarement, aussi fort que possible, sur la pédale de frein. L'affût remédie à cette carence. Lorsque le système détecte un déplacement anormalement rapide de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein, c'est l'aide au freinage d'urgence qui décide de mettre la pression maximale de freinage. L'affût fonctionne avec l'anti-blocage des roues. Le conducteur ne perd donc pas le contrôle de son véhicule. On peut ainsi éviter certains désagréments à condition de ne pas surenchérir dans la prise de risque. Réponse A.